Bah, je suis retourné au Carrefour le lendemain et j'ai racheté un nouveau pack de brosses à dents Pikachu et je lui ai donné la rose. Et la rose de ma fille, en espérant qu'il ne remarque rien, je l'ai distingué avec un petit élastique du côté de la ventouse. On a fait à peu près pareil à Vienne en 2015. Allez-y, continuez à enrichir un peu votre uranium, mais ne dépassez pas les 3,7% et on lève les sanctions économiques. Reste la désagréable impression qu'on s'est fait un peu avoir, que cet accord, au fond, on aurait préféré ne pas le signer, comme j'aurais préféré ne pas retourner au Carrefour Market. La vérité, c'est que personne n'avait envie d'une guerre, mais que l'Iran donnait un peu plus l'impression qu'il était prêt à se rouler par terre de rage. La politique étrangère iranienne est historiquement plutôt offensive. Qui se souvient, par exemple, de l'assassinat de Shapour Bakhtiar en 1991 ? On m'opposera que le golfe Persique est infesté de navires américains et que le Mossad a l'air, comme on l'a vu encore récemment, un peu chez lui, à Téhéran, et que c'est bien le jeu, un fin entrelacement de réal politique et de négociations feutrées. Reprenez un croissant, moi je reprends mon opposant en exil. Tenez un peu de sucre avec votre thé, un peu de Stuxnet à saupoudrer dans vos centrifugeuses. Les termes de l'accord définitif sont sur cette clé USB. Il ne vous reste plus qu'à l'insérer dans votre ordinateur, comme vous avez inséré le Hezbollah dans nos négociations de paix. Bref, toutes les cartes sont sur la table et on négocie. Enfin, toutes les cartes, toutes sauf une, non, celle de la morale. Bah, c'est justement ce que j'ai appris quand mon fils a commencé à se rouler par terre. La crise, en géopolitique, comme en petite enfance, exige de mettre le cadre moral. Entre parenthèses, on éduquera plus tard. Là, il faut intervenir. Donc en fait, vous nous dites que ce que vous avez appris de l'éducation de vos enfants, c'est que le chantage et les menaces, eh ben ça marche. Ça marche si on a en face de soi un interlocuteur rationnel. Je n'allais pas entamer une guerre mondiale pour une question de dentifrice. Mais je reste modeste, je ne suis pas un très bon diplomate. Au bord de mon lavabo, il y a désormais deux brosses à dents roses, alors que jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pour l'instant au Moyen-Orient qu'une seule puissance nucléaire. Merci beaucoup Aurélien et bon courage à vous avec les brosses à dents roses. On peut réécouter d'ici là votre chronique en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Avril Poignant-Legoff en compagnie de Manon de la Salle, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Laurence Malonda qui réalise pour vous cette série d'émissions autour des fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. À la lecture des textes pour l'occasion, c'est Denis Podalydès avec quelques textes de Fabrice Lucchini qu'il avait déjà enregistré autour de ce texte. À la prise de son aujourd'hui, c'était Laurie Vachon. On se retrouve demain pour la suite de notre série. Demain, on sera en compagnie de Tiphaine Samoyau. Et après Attente aujourd'hui, demain, ce sera Je t'aime. Et vous verrez, il n'y a pas que de l'amour dans Je t'aime. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est assez glaçant, mais aussi bouleversant. Rendez-vous demain à 10h donc. Mais d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou bien en téléchargeant l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct, mais aussi en téléchargement, en podcast, comme ça vous l'écoutez à l'heure qui vous convient le mieux. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve donc demain à 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.